طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. ما هي آخر القاعدة الذي أو التي أخذناها عندك يا أبا زكريا؟ Quelle est la dernière règle qu'on a appris concernant les attributs d'Allah Azzawajal dans le livre de Cheikh Al-Uthaymeen, Qawaid Al-Muthla, fi sifatillahi ta'ala wa asma'ihi al-husna? Qui peut nous citer la dernière règle que nous avons vue? ها أخونا قد نسي. طيب، خير إن شاء الله. هل هناك من يذكر؟ Qui se rappelle de la dernière règle que nous avons vue? Abu Hudayfa, عندك. هي يعني قاعدة بسيطة. C'est une règle assez simple à retenir. أن الصفات الثبوتية تنقسم إلى قسمين. Zatiya wa fi'liya. Donc on a vu la semaine dernière que les attributs d'Allah, les attributs d'affirmation se divisent en deux. Alors on a les attributs qui sont propres et qui sont en lien avec l'être d'Allah Azza wa Jal, et les attributs qui sont en lien avec ses actions. Donc aujourd'hui, on va rentrer dans la sixième règle. قال المؤلف عليه رحمة الله القاعدة السادسة يلزم من إثبات الصفات التخلي من محظورين عظيمين أحدهما التمثيل والثاني التكييف. La sixième règle qui fait partie des règles les plus importantes concernant les attributs d'Allah Azza wa Jal. C'est l'une des règles les plus importantes qu'on voit ou qu'on va étudier à travers ce livre. Taïb. Donc cette règle-là, elle se résume à dire que le fait d'affirmer des attributs les attributs d'Allah Azza wa Jal, le fait d'affirmer les attributs d'Allah doit être une affirmation dépourvue de deux choses extrêmement graves. Donc cette affirmation doit être dépourvue de deux choses extrêmement graves. La première, c'est At-Tamthil. C'est la comparaison précise. La comparaison précise. Et la deuxième chose, c'est le fait de s'imaginer un comment. Donc, lorsqu'on affirme les attributs d'Allah Azzawajal, on affirme qu'Allah subhanahu wa ta'ala, ماذا, il entend. As-sam'a. On affirme qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il a deux mains. On affirme qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il a deux yeux. On affirme qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il voit, il a akhirah. Tous les attributs qu'on affirme à Allah azza wa jal, on se doit d'exclure, lorsqu'on affirme ces attributs, on se doit d'exclure toute forme de comparaison. Tamthil, une comparaison détaillée, précise, ainsi que toute forme malin de façonnage de l'esprit. C'est-à-dire, on ne façonne pas, on ne cherche pas à façonner le comment et cet attribut d'Allah Azzawajal. On ne cherche pas à s'imaginer le comment ou on n'essaye pas, madame, de le comparer à quoi que ce soit. Taïb. قَالَ فَأَمَّا التَّمْثِيلُ فَهُوَ اِعْتِقَادُ الْمُثْبِتِ أَنَّ مَا أَثْبَتَهُ مِنْ صِفَاتِ اللَّهِ تَعَالَى مُمَاثِلٌ لِصِفَاتِ الْمَخْلُوقِينَ وَهَذَا اِعْتِقَادٌ بَاطِلٌ بِدَلِيلِ السَّمْعِ وَالْعَقْلِ. Donc, lorsqu'on parle de comparaison précise, c'est la croyance qu'a la personne qui affirme l'attribut d'Allah ou les attributs d'Allah, que ces attributs sont comparables aux attributs des créatures. Il va te dire, la main d'Allah est comme la main de l'être humain. Ou les yeux d'Allah sont comme les yeux de l'être humain. Donc tout ça, c'est une croyance qui est erronée. Et on dit cela en s'appuyant sur les preuves du Coran, des textes du Coran ou de la Sunna, et ainsi que les preuves rationnelles, les preuves de la raison. فَأَمَّا السَّمْعُ فَمِنْهُ قَوْلُهُ تَعَالَى. En ce qui concerne les preuves du Coran et de la Sunna, là il va évoquer plus des preuves du Coran. فَمِنْهُ قَوْلُهُ تَعَالَى لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ. Parmi ces preuves-là, il y a la parole où Allah subhanahu wa ta'ala dit, il y a nul être n'est comparable à lui. Et ça, c'est la preuve, un nas, fil mas'ala. هذا نص واضح محكم في هذه المسألة. Donc ça, c'est un texte précis et clair sur le sujet, comme quoi on se doit de réfuter toute comparaison avec Allah Azza wa Jal. وقوله تعالى أفمن يخلق كمن لا يخلق أفلا تذكرون. Et lorsqu'Allah subhanahu wa ta'ala dit, est-ce que celui qui crée est comme celui qui ne crée pas? Ne raisonne-t-il donc pas? Donc ça, c'est ce qu'on appelle fil arabiya istifham inkari. Naam. Wa qawluhu hal ta'lamu lahu samiyya. Et dans un autre verset, il dit, est-ce que vous connaissez un quelconque sami? Wa sami huwa al-nadhir. Est-ce que vous connaissez Allah Azza wa Jalla un quelconque égo? وفي قوله تعالى وقوله ولم يكن له كفوا احد. الكف هو الند. نعم. Et pareil pour le verset de sourate al-ikhlas où Allah subhanahu wa ta'ala il dit que il n'y a point d'égo à lui. نعم. واما العقل فمن وجوه. Donc après avoir évoqué les preuves du Coran qui démontrent d'une manière claire et précise que on ne peut comparer les caractéristiques, les attributs d'Allah avec les caractéristiques et les attributs de quiconque dans la création, ou même imaginer des attributs même s'ils n'ont pas de modèle. Taïb. Donc après avoir évoqué les preuves du Coran, là il va évoquer les preuves rationnelles. Et il va te diviser ces preuves rationnelles en de différents points de vue. Donc, du premier point de vue, قال والأول أنه قد علم. طيب أما وأما العقل فمن وجوه الأول أنه قد علم بالضرورة أن بين الخالق والمخلوق تباينا في الذات وهذا يستلزم أن يكون بينهما تباين في الصفات لأن صفة كل لأن صفة كل موصوف تليق به كما هو ظاهر في صفات المخلوقات المتباينة في الذوات. Donc là, sur le premier point de vue, comment ne serait-ce que par une raison saine, on réfute toute forme de comparaison entre Allah et ses créatures, Tout simplement parce que dans la prime nature de tout un chacun, on reconnaît une différence ou des différences énormes entre le créateur et les créatures dans leurs êtres. C'est-à-dire l'être d'Allah, tout le monde reconnaît que son être n'est pas comme l'être des créatures. Donc ceci implique forcément que les attributs qu'il possède sont totalement différents des attributs des créatures. Non. Tout simplement parce que les attributs sont en fonction de l'être à qui ils lui sont attribués. Les attributs sont en fonction de l'être à qui ils sont liés. Non. ثم قال شيخ العثيمين فقوة البعير مثلا غير قوة الذرة. Donc là il te donne un exemple pour te rapprocher pour améliorer la compréhension du sujet. Donc il te dit la force que possède le chameau, la force que possède le chameau n'est pas la même force que possède la fourmi. La fourmi, elle a une force. Le chameau, pareil. Mais est-ce que c'est la même force? Non, ce n'est pas la même force. قَالَ فَإِذَا ظَهَرَ التَّبَايُنُ بَيْنَ الْمَخْلُوقَاتِ مَعَ اشْتِرَاكِهَا فِي الْإِمْكَانِ وَالْحُدُوثِ فظهور التبين بينها فظهور التبين بينها وبين الخالق أجلى وأقوى. Donc ensuite le Cheikh Al-Uthaymeen il termine ce premier point de vue en disant que si déjà on constate qu'il y a des différences entre les créatures. Entre les créatures, alors que elles sont associées dans le fait que ce sont des créatures. Ce sont des créatures. Alors, d'une manière encore plus évidente, on affirmera que il y a d'énormes différences entre les caractéristiques d'Allah Azzawajal, les attributs d'Allah et ceux de sa création. Non. Ouais, donc ça c'est le premier point de vue. Aslan, tout ça c'est clair, on n'a pas besoin de trop durer sur l'explication de ces points-là, je pense que c'est clair pour tout le monde. طيب, deuxième point de vue, الثاني أن يقال كيف يكون الرب الخالق الكامل من جميع الوجوه مشابها في صفته للمخلوق المربوب الناقص المفتقر إلى ما يكمله. Et là, deuxième point de vue, il te dit, Cheikh Al-Uthaymeen, et comment on pourrait comparer le Seigneur, le Créateur, l'être parfait de tout point de vue? Comment pourrait-on comparer le Seigneur, le Créateur, l'être parfait de tout point de vue avec des créatures qui sont ordonnées, qui sont déficientes, qui sont besogneuses, qui sont dans le besoin d'être parachevées. قال وهل اعتقاد ذلك إلا تنقص لحق الخالق؟ فإن تشبيه الكامل فإن تشبيه الكامل بالناقص يجعله ناقصا. Et n'est-il donc pas que la croyance en cela est en vérité une déficience, concernant le droit d'Allah Azzawajal. Le fait de comparer l'être parfait par excellence avec avec une créature déficiente sous-entend forcément une déficience. Sous-entend forcément une déficience. Taïeb. Donc ça aussi, c'est clair pour tout le monde, Inch'Allah. Donc le troisième point de vue, قَالَ وَالثَّالِثُ أَنَّنَا نُشَاهِدُ فِي الْمَخْلُوقَاتِ مَا يَتَّفِقُ فِي الْأَسْمَاءِ وَيَخْتَلِفُ فِي الْحَقِيقَةِ وَالْكَيْفِيَّةِ فَنُشَاهِدُ أَنَّ الْإِنسَانَ أَوْ أَنَّ لِلْإِنسَانِ فَنُشَاهِدُ أَنَّ لِلْإِنسَانِ يَدًا لَيْسَتْ كَيَدِ الْفِيلِ وَلَهُ قُوَّةٌ وَلَيْسَتْ كَقُوَّةِ الْجَمَلِ مع الاتفاق في الاسم، مع الاتفاق في الاسم، فهذه يد وهذه يد وهذه قوة وهذه قوة، وبينهما تباين في الكيفية والوصف، فعلم بذلك أن الاتفاق في الاسم لا يلزم منه الاتفاق في الحقيقة. طيب، هذا كلام جميل كذلك. C'est un troisième point de vue qui est de loin le plus pertinent de tous, bien qu'ils soient tous louables et à prendre en considération. Donc là, le fait que le Cheikh al-Islami explique que on constate dans la création que il peut y avoir un accord entre dans les noms que possèdent certains attributs, il peut y avoir un accord entre certaines créatures sur le nom de certains attributs que possèdent ces créatures. Enfin, tout comme l'homme a une main. L'éléphant aussi a une main. Est-ce que la main de l'éléphant est comparable à la main de l'homme? Là, pareil pour la force. L'être humain a une force. Est-ce que cette force-là est comparable à la force du chameau? Non. Pourtant, le mot force et le mot main sont bel et bien des critères, des caractéristiques que l'on retrouvera chez l'homme, tout comme on le retrouvera chez d'autres créatures. Donc, ceci est une main, la main de l'homme, et ceci est une main, la main de l'éléphant ou autre. Ceci est une force, la force de l'homme, et ceci aussi est une force, la force du chameau. Mais, bien qu'elles correspondent dans le nom, dans la nomination, elles sont totalement différentes dans le comment. Dans le comment. Donc, s'il en est ainsi pour les créatures, ça doit nous montrer, ça doit nous indiquer que le fait de reconnaître des attributs, la nomination de certains attributs, comme étant présents chez les créatures, ça ne doit pas nous amener à comparer ces attributs aux attributs d'Allah Azzawajal. Ça ne doit pas nous amener à comparer ces attributs aux attributs d'Allah. ثم قال فعلم بذلك أن الاتفاق في الأسماء لا يلزم منه الاتفاق في الحقيقة. Donc, le fait qu'il soit en accord sur la nomination, hein, le fait que toutes ces créatures soient en accord sur la nomination de certains de leurs attributs, ça ne doit pas sous-entendre qu'il y a un accord sur le comment. Ça ne doit pas sous-entendre qu'il y a un accord sur le comment. وهذه إخوان يعني تعتبر ردا على المعطلة والمفوضة الذين ظنوا أن الاتفاق في الأسماء في أصل الصفة يلزم منه إثبات المماثلة Oh, ithbat al-kayfiyya. Et en vérité, ça, Juan, ce qu'on vient de lire là, c'est une réfutation aux négateurs, à ceux qui réfutent l'affirmation des attributs d'Allah Azzawajal, et aussi à la secte des Mufawwidah, qui eux affirment les attributs d'Allah, mais ils disent que on ne peut en comprendre le sens. Donc, eux, ils disent, voilà, Allah, il a une main, mais on ne sait pas c'est quoi une main. Yani, on se détourne totalement d'une quelconque compréhension. C'est une main, point, mais en tout cas, on ne peut pas savoir quel est le sens du mot main. Pourquoi? Parce que c'est affilié à Allah Azzawajal. Et ça, c'est une parole erronée. Donc eux, ils se sont dit, on ne peut pas dire que le mot main, c'est une chose qu'on conçoit. La main, c'est une chose qu'on conçoit, c'est-à-dire qu'à la base de l'attribut, c'est c'est-à-dire dans cette nomination, la nomination de l'attribut de la main. Et comment dire ça est associé à la nomination de l'attribut de la main de l'être humain. Eux, non. Eux, ils veulent réfuter ce sens-là, et c'est pourquoi, pour certains, ils ont réfuté les attributs d'Allah Azzawajal d'une manière globale, et pour d'autres, ils les ont affirmés en disant que le sens, on ne le connaît pas. C'est-à-dire le sens. Il a une main, on ne sait pas c'est quoi. Avoir une main, on ne sait pas c'est quoi. Il a une force, il voit, on ne sait pas c'est quoi. Le fait de voir, on ne sait pas. Le fait d'entendre, on ne sait pas c'est quoi. Tout ça, eux, ils les ont réfutés. Ou, madame, ils ont réfuté la base même de la tribu. Taïb. J'espère que ça c'est clair. Si peut-être je me suis pas trop bien exprimé, si y a quelqu'un qui a quelconque ishkel, il n'hésite pas à m'informer. Taïeb. ولهذا يا إخوان هناك أثر جميل عن ابن عباس رضي الله عنه يا آثار Une parole d'Ibn Abbas, enfin, qui est rapportée d'après Ibn Abbas, qui dit أنه قال ليس مما في الدنيا مما ذكره الله في الآخرة من مآكل والمشارب من المآكل والمشارب إلا الأسماء. Donc là, la parole d'Ibn Abbas, il dit, il n'y a pas dans ce bas monde, parmi les choses qu'Allah a évoquées dans l'au-delà, comme nourriture et comme boisson, si ce n'est les noms. Il n'y a que les noms dans ce bas monde. Il n'y a que les noms qui sont en accord avec ce qu'Allah a évoqué dans l'au-delà. Naam. Fa, comme vous le savez, Allah subhanahu wa ta'ala wa'ada ahl al-jannah bi ashiya' kathira, mithl الأنهار من العسل المصفى والأنهار من الخمر وأنواع اللحوم وأنواع المشارب الطيبة هذه الأشياء كلها نعقلها comme vous le savez Allah subhanahu wa ta'ala il a promis aux gens du paradis bon nombre de choses comme des fleuves de miel purifié, des fleuves d'alcool, plusieurs types de viande et de boissons. Toutes ces choses-là qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a évoquées dans le Coran ou selon sur la langue du prophète, alayhi salatu wasalam, c'est des choses que l'on conçoit, que l'on comprend. Donc on comprend le sens premier de la chose. On comprend le sens premier de la chose. وَهِيَا مَوْجُودَ في الدنيا لكن ليس بين ما ذكره الله fi dunya wal akhirah illa l'asma. Donc c'est des choses en plus qui sont présentes dans ce bas monde. Les choses qu'Allah nous évoque, le miel, c'est présent ici. Le khamr, l'alcool, c'est présent. Le laban, c'est présent. Toutes ces choses-là, elles sont présentes dans ce bas monde. Cependant, il n'y a rien en accord avec ce qu'il y a dans l'au-delà, si ce n'est les noms. Si ce n'est les noms. Naam. Hadi khamr, wa hadi khamr. Wa hal haqiqatu khamr ad-dunya ka khamr al-akhirah ya ikhwan? Al-jawab la. Al-jawab la. Donc là, l'alcool que l'on connaît dans ce bas monde, il s'appelle bel et bien alcool. Dans l'au-delà, il y a bel et bien un alcool qui porte le même nom. L'alcool porte le même nom. Taïb. Mais est-ce que l'alcool de ce bas monde est comparable à l'alcool de l'au-delà? La réponse est bien sûr que non. Naam. Fahadi Nisa. وفي الآخرة نساء فهل نساء الدنيا كنساء الآخرة؟ ها؟ الجواب لا. Tout comme dans ce bas monde, il y a des femmes. Pareil, dans l'au-delà, il y a des femmes. Mais est-ce que les femmes de ce bas monde sont comparables aux femmes de l'au-delà? La réponse, bien sûr, que non. Non. Non. ولذلك قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم ما تعلم نفس ما أخفي لها وما أخفي لهم من قرة أعين ها الله سبحانه وتعالى يقول في verset ماذا et certes il n'y a aucune âme qui sait ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a caché pour eux comme bonheur des yeux dans l'au-delà. Tamam. Donc ça déjà ça nous montre que personne peut savoir. Mais il y a un dalil encore plus fort qui nous montre que, et qui prouve la parole d'Abdallah ibn Abbas, qui vise à dire que il n'y a d'accord entre les choses de ce bas monde et les choses de l'au-delà que les noms. Sinon, le comment, il est totalement différent. Même si la base du sens reste la même. Par exemple, quand on dit les femmes du paradis, les femmes du paradis, la base du sens que ce sont qu'elles sont sous une création plus ou moins féminine. Ça, la base du sens, on le conçoit. Mais le comment, Allah a'lam. Mais le comment elles sont, Allah ta'ala a'lam. À l'exception de ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a décrit dans certains hadiths à leur sujet. Mais malgré tout, malgré qu'Allah subhanahu wa ta'ala, donc il nous parle des choses du paradis en nous faisant comprendre qu'il y a un lien entre la nomination des choses que l'on connaît dans ce bas monde et dans l'au-delà, il nous dit quoi dans le hadith al-Qudsi? A'dadtu li'ibadi as-salihin ma la 'ayn ra'at. ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. Il dit dans le hadith al-Qudsi, j'ai préparé pour mes serviteurs, c'est-à-dire au paradis, des choses que nul œil n'a vues, nulle oreille a entendues, et aucun cœur n'a pu s'imaginer. Aucun cœur n'a pu s'imaginer. Naam. Ma'anna ma fil akhirah. Et ça, bien que ce qui se trouve dans l'au-delà et ce qui se trouve dans la dunya, ils sont en accord sur les nominations et sur la base du sens. Sur la base du sens, on est en accord. Ils sont en accord. Mais malgré tout, Allah subhanahu wa ta'ala, il dit « La khatara ala qalbi bashari ». Tout ça pour montrer la grande différence entre ces choses-là qui portent le même nom, mais qui sont d'une différence absolue. Alhamdulillah. قال والتشبيه كالتمثيل قال والتشبيه كالتمثيل وقد يفرق بينهما بأن التمثيل التسوية في كل صفات والتشبيه التسوية في أكثر الصفات. نعم. Donc, lorsqu'il évoque le tashbih, il te dit le tashbih, c'est comme le temthil. Le tashbih, c'est comme le temthil. Et certains ont différencié l'appellation tashbih, qui est aussi une comparaison, avec la comparaison temthil, en disant que le temthil, c'est le fait de comparaître. Un être à un autre sur tous les points de vue. Ça, c'est ce qu'on appelle un temthil. Lorsque tu compares un être à un autre sur tous les points de vue. Et le tashbih, c'est le fait de comparer un être à un autre sur une grande majorité, sur un ensemble de points de vue. Sur un ensemble de points de vue, mais pas sur tous les points de vue. Non. Donc le temthil est pire que le tashbih et les deux sont. Les deux sont interdits. Les deux sont interdits. Naam. طيب. قال لكن التعبير بنفي التمثيل أولى. Cependant, Cheikh Al-Uthaymeen te dit le fait d'employer ou d'utiliser le mot le fait d'utiliser le mot temthil, c'est-à-dire de réfuter le mot temthil, ça c'est plus juste. D'employer le mot temthil au lieu d'employer le mot tashbih. قال لموافقتي القرآن قال الله عز وجل ليس كمثله شيء. Tout simplement parce que le Coran est venu en réfutant le temthil, المماثلة. قال ليس كمثله شيء. Tout simplement parce que le Coran est venu avec cette expression. نعم. Lorsque Allah subhanahu wa ta'ala dit il n'a pas un quelconque égo comparable, n'am, comparable à lui, n'am. Et vous rajoutez, wa min wajhin akhar anna nafy at-tashbih 'ala al-itlaq hadha alladhi akhta'a fihi ahlu at-tafwid fa hunaka qadr mushtarak bayna al-khaliq wa al-makhluq kama taqaddama dhikru fi asl as-sifat. Et aussi, pourquoi il est bon de ne pas réfuter, de ne pas utiliser le tashbih? Parce que le tashbih, l'utilisation du mot tashbih, il comprend un sens qui est juste. Il comprend un sens qui est juste. Et c'est le fait de comparer les attributs d'Allah, Azza wa Jal, aux attributs des créatures sur la base. La base et la nomination des attributs. Donc, comme on dit bien qu'Allah subhanahu wa ta'ala a deux mains, on dit aussi de l'être humain qu'il a deux mains. Mais bien sûr, on affirme que ces deux mains sont, ne sont en aucun cas comparables. Ne sont en aucun cas comparables. Mais il y a bel et bien une comparaison, hein, un lien dans le sens premier, le asl, le sens premier du terme, et dans la nomination. Et dans la nomination. Donc le fait de réfuter, le fait d'employer le mot tashbih, c'est pas la meilleure des choses. Au contraire, il faut employer le mot at-tamthil. Il faut employer le mot at-tamthil. Les termes at-tamthil. طيب. قال وأما التكييف فهو أن يعتقد المثبت أن كيفية صفات الله تعالى كذا وكذا من غير أن يقيدها بمماثل. Et en ce qui concerne le fait de s'imaginer ce qu'on appelle takif, c'est la conviction que qu'a celui qui affirme l'attribut d'Allah en disant que la conviction qu'il a en disant que les attributs d'Allah sont de telle et telle sorte. Il se les imagine, hein, et il les façonne d'une certaine façon sans avoir de modèle. ou sans prendre forcément un modèle. Ça aussi, c'est catégoriquement interdit. نعم. فالتكييف أعم من التمثيل. Donc, le takif, c'est plus global que le temthil. فكل تمثيل تكييف. Le takif, c'est plus global. Ça comprend le fait de comparer, de façonner une image. De façonner, de s'imaginer une image, que ce soit avec un modèle ou non. Tandis que le temthil, c'est que en comparant Allah Azza wa Jal à un modèle précis. Et sur tous les points de vue. Fatemthil, mada, akhas, fatemthil, akhas, wa takif, a'am. Fakulu, تمثيل تكييف ولا عكس. طيب وهذا اعتقاد باطل بدليل السمع والعقل. Donc là pareil, on sait que c'est une croyance qui est erronée, et ce en s'appuyant sur l'épreuve du Coran et de la Sunna. فمنه قوله تعالى ولا يحيطون به علما ولا يحيطون به علما ولا يحيطون به علما. Et aussi, yani parmi les dalils, le fait qu'Allah subhanahu wa ta'ala dise dans le Coran, dans surat Taha, verset 110, ils ne peuvent le cerner de par la, de par ils ne peuvent le cerner par la science. Ils ne peuvent le cerner. C'est-à-dire, ils ne peuvent avoir une connaissance de lui, c'est-à-dire de l'être divin. Ils ne peuvent le cerner de par la connaissance. Les êtres humains ne peuvent cerner Allah Azza wa Jal par leur connaissance. Dans l'autre verset, verset de Surat al-Isra, verset 36, Allah subhanahu wa ta'ala dit « وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٍ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَٰئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْؤُولًا » Et ne dis pas de choses sur lesquelles tu n'as pas de science. Certes, l'ouïe, la vue et le cœur seront des choses sur lesquelles Allah vous interrogera. Naam. Wa hunaka atharun jamil yurwa an Qatada 'ind hadhihi al-aya. Il y a aussi une parole de Qatada lorsqu'il expliquait ce verset. C'est une très belle parole de Qatada. Qui dit Mada en expliquant ce verset, c'est-à-dire La taqul ra'aytu wa lam tara wa sami'tu wa lam tasma' wa 'alimtu wa lam ta'lam. C'est-à-dire ne dis pas j'ai vu alors que tu n'as pas vu, et ne dis pas j'ai entendu alors que tu n'as rien entendu, et ne dis pas j'ai su alors que tu ne sais rien. Naam. Wa qala Cheikh Al-Uthaymeen wa min al-ma'loum annahu la 'ilma لنا بكيفية صفات ربنا لأنه تعالى أخبرنا عنها ولم يخبرنا عن كيفيتها فيكون تكييفنا قفوا لما ليس لنا به علم وقولا بما لا يمكننا الإحاطة به. نعم. Donc Allah subhanahu wa ta'ala, ce qui est bien connu, c'est qu'il ne nous a pas informé sur le comment sont ses attributs. Il nous a informé au sujet de ses attributs, mais il ne nous a pas informé sur le comment. Donc, le fait de parler sur le comment constitue une parole sans science. Une parole sans science. وَأَمَّا الْعَقْلَ فَلِأَنَّ الشَّيْءِ لَا تُعْرَفُ كَيْفِيَةُ صِفَاتِهِ إِلَّا بَعْدَ الْعِلْمِ بِكَيْفِيَةِ ذَاتِهِ أو العلم بنظيره المساوي له أو بالخبر الصادق عنه وكل هذه الطرق منفية في كيفية صفات الله عز وجل فوجب بطلان تكييفها. Donc et sur un point de vue purement rationnel, ماذا On ne peut connaître les attributs d'une chose, on ne peut connaître les attributs, les caractéristiques d'une chose, qu'après avoir connu la chose en question. Qu'après avoir connu la chose en question, ou après avoir eu connaissance d'une chose comparable à la chose en question. Ou en ayant eu une information véridique. Donc tout cela est formellement réfutable en ce qui concerne Allah Azza wa Jal. Donc on comprend de surcroît qu'il est impératif de réfuter toute forme de takif, toute forme de takif, d'imagination, s'imaginer le comment sont les attributs d'Allah. وهذا ليس معناه أن صفات الله ليس لها كيفية. Il ne faut pas comprendre que cela sous-entend que Allah subhanahu wa ta'ala, ses attributs n'ont pas de comment. لا. لها كيفية لكن لا يعلمه إلا الله. Cependant, ses attributs ont bel et bien un comment. Sa main a bel et bien un comment. Et tous ses attributs ont bel et bien un comment. Seulement, on l'ignore. Et toutes les créatures l'ignorent à l'exception. Tout le monde l'ignore à l'exception d'Allah Azza wa Jal. À l'exception d'Allah Azza wa Jal. Donc ce qui est réfuté, c'est le comment. C'est-à-dire, c'est la connaissance du comment et non le comment. Donc ce qui est réfuté, c'est la connaissance du comment. Ça, on le réfute. On ne sait pas comment est l'attribut d'Allah ou comment sont les attributs d'Allah. Mais. Il a bel et bien un comment. Ses attributs ont bel et bien un comment. ثم قال وأيضا فإننا نقول أي كيفية تقدرها لصفات الله تعالى إن أي كيفية تقدرها في ذهنك فالله أعظم وأجل من ذلك. وأي كيفية تقدرها لصفات الله تعالى فإنك ستكون كاذبا فيها لأنه لا علم لك بذلك وحينئذ يجب الكف عن التكييف تقديرا بالجنان وتقريرا باللسان وتحريرا بالبنان. نعم. Mais aussi le fait de s'imaginer les attributs d'Allah Azza wa Jal. Comment on pourrait en vérité s'imaginer les attributs d'Allah Azza wa Jal? Tout ce qu'on pourra s'imaginer, Allah subhanahu wa ta'ala est bien plus énorme et bien plus majestueux que ce que l'être humain est capable d'imaginer. Et ça, c'est aussi pour vous dire que le fait de. Même si tu ne le dis pas, mais tu te l'imagines dans ta poitrine, c'est interdit. C'est pourquoi il faut réfuter toute forme de waswasa que Shaitan peut venir nous insuffler ici et là. S'il commence à te dire, imagine-toi Allah Azza wa Jal comment il est, ou imagine-toi l'un de ses attributs, il faut réfuter ça en évoquant Allah Azza wa Jal par al-shahada, en disant la ilaha illallah ou autre, et ne pas prêter suite à ce genre de waswasa. Et ne pas prêter suite à ce genre de waswasa. Naam. Naam. طيب قال ولهذا لما ولهذا لما سئل مالك رحمه الله تعالى عن قوله تعالى الرحمن على العرش استوى كيف استوى كيف استوى أطرق رحمه الله برأسه حتى علاه الرحضاء العرق ثم قال الاستواء غير مجهول والكيف غير معقول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة. Ensuite, le Cheikh Al-Uthaymeen évoque la parole du pieux prédécesseur, l'imam Malik ibn Anas, imam Dar al-Hijra, l'imam Malik, l'imam de Al-Medina à son époque, qui est la parole que l'on considère maintenant comme étant un des fondements des gens de la sunna en ce qui concerne les attributs d'Allah Azza wa Jal. Tous les attributs d'Allah Azza wa Jal, on les met face à cette parole-là. On les analyse comme l'imam Malik a analysé yani le sifa, l'attribut en question dans ce récit. Donc là, on demande à l'imam Malik au sujet du verset où Allah subhanahu wa ta'ala dit qu'il s'est établi au-dessus du trône. Comment s'est-il établi? L'imam Malik, tellement il était pris de vénération pour Allah Azza wa Jal, et il a vu la grandeur de cette question, il a baissé sa tête en pris de transpiration intense, pris d'une transpiration intense. Ensuite, il a relevé la tête en disant, c'est-à-dire après avoir mûrement réfléchi, et peut-être après avoir évoqué Allah Azza wa Jal, il a relevé la tête en disant l'établissement et le comment de l'établissement, le comment il s'est établi, cela nous est inconnu. L'établissement n'est pas inconnu. Excusez-moi. L'établissement, c'est-à-dire le fait qu'Allah subhanahu wa ta'ala s'établisse au-dessus du trône, le sens premier ne nous est pas inconnu. Le sens premier de ce mot, de cette appellation, ne nous est pas inconnu. Le comment est غير معقول, est inimaginable. Le comment n'est pas imaginable. Le comment n'est pas imaginable. La foi en cet attribut est obligatoire et le fait de poser cette question, ce genre de question, est une innovation. Donc cette parole-là, l'imam Malik l'a dit pour l'istiwa. Nous, les gens de la sunna, on l'a dit pour tous les attributs. Les gens de la sunna, on prend cette parole-là de l'imam Malik comme étant un fondement de la religion. Comme étant un fondement de la religion, surtout dans le chapitre des noms et des attributs. Yani, al-istiwa غير مجهول. فاليد اليد غير مجهول. اليد غير مجهولة. والكيف غير معقول. والإيمان بها واجب. والسؤال عنها بدعة. نعم. ثم قال شيخ العثيمين وروي عن شيخه ربيعة أيضا الاستواء غير مجهول والكيف غير معقول. Et aussi cette parole-là a été rapportée du shir de l'imam Malik, Rabi'a. Ça a été rapporté d'une chaîne de transmission authentique. Et ça a été aussi rapporté de Umm Salama, qui est le rapport du prophète, alayhi salatu wasalam, mais ça, c'est faible, c'est pas authentique. طيب وقد مشى أهل العلم بعدهما على هذا الميزان. وقد مشى أهل العلم بعدهما على هذا الميزان. Et donc les gens de science, les savants, ont pris ces deux paroles-là de l'imam Malik et de l'imam Rabi'a, le shir de l'imam Malik, et ils n'ont eu de cesse de la mettre en pratique dans le chapitre des noms et des attributs d'Allah Azza wa Jal. طيب واذا كان الكيف واذا كان الكيف معقول ولم يرد به الشرع فقد انتفى عنه الدليلان العقلي العقلي والشرعي فوجب الكف عنه فوجب الكف عنه طيب فالحذر الحذر من التكييف أو محاولته فإنك إن فعلت وقعت في مفاوز في مفاوز في ف... نعم وقعت في مفاوز لا تستطيع الخلاص منها لا تستطيع الخلاص منها. Donc il faut vraiment prendre garde sur le fait de ne pas imaginer Allah Azza wa Jal, sur le fait de prendre garde sur le fait d'imaginer Allah Azza wa Jal d'une quelconque apparence, car si on rentre dans ce chapitre-là, on rentrera dans un chapitre qui est très difficile de se débarrasser. Un chapitre qui va nous ramener des doutes sur notre religion. Un chapitre qui va nous ramener des maux énormes dans notre cœur, voire même nous emmener à la mécréance. نعم. وإن ألقاه وإن ألقاه الشيطان في قلبك فاعلم أنه من نزغاته فالجأ إلى ربك فإنه معاذك فإنه معاذك فإنه معاذك وافعل ما أمرك به فإنه طبيبك قال الله سبحانه وتعالى وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم. Et si toutefois le diable t'inspire une quelconque parole ou une quelconque imagination en ce qui concerne les attributs d'Allah, sont comment, alors réfugie-toi auprès d'Allah Azza wa Jal, car c'est lui qui peut te protéger contre les œuvres du diable, et c'est lui le guérisseur, c'est-à-dire c'est Allah le guérisseur. Et Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans le verset 36 de surat Fussilat, et si tu es touché par une quelconque si tu es touché par le diable, alors cherche refuge auprès d'Allah, car certes c'est lui le Samir, c'est lui qui entend et qui voit. Ouais. Donc, Inch'Allah, il ne restera plus qu'à prendre une dernière règle la semaine prochaine, et on aura terminé le chapitre qui concerne les attributs propres à aux attributs. Ouais.